petits gens qui, quand ils se promenaient dans la rue, provoquaient le rire des gens. Ils se retournaient, rigolaient, pouffaient, s'exclamaient: regarde-moi ce pavot, pourrait même pas embrasser un crapaud. Mais toujours le petit Jean s'en allait tout content, voyant les filles déguerpir et les garçons mourir de rire. Dans sa tête, pas de doute, c'était un homme coûte que coûte, attirant ou pas, ces choses-là pour lui ne comptaient pas. Et un homme plein de bonne volonté vint lui dire ses quatre vérités: tu sais, j'ai rien contre toi, mais si on se retourne comme cela, c'est vraiment pas que t'es beau, ça serait le contraire plutôt. Si les filles te font des regards, c'est parce que ta tête est vraiment bizarre. Sur ces mots, le petit Jean déchanta sur le moment. Lui qui croyait avoir des touches ne faisait tomber que les mouches. Qu'y a-t-il de si horrible sur mon visage pour que les filles me regardent avec frayeur? Pourquoi je leur fais tant peur? Sur le chemin du retour, alors que j'en croyais plus en l'amour, une dame dans les yeux le regarda et timidement l'arrêta. Excusez-moi, monsieur, je vous trouve extrêmement à mon goût. Que diriez-vous un soir de venir chez moi boire un coup? Et une vraie histoire d'amour se construit avec cette dame, elle qui a vu en petit Jean autre chose, un supplément d'âme. Et quand petit Jean se promène avec à ses mains cette belle demoiselle, le regard des autres s'éclaire. Petit Jean a changé en un éclair. Finalement, qu'on soit moche ou beau, tout est une question de point de vue. Vous aussi, vous trouverez votre peau en marchant dans la rue. Et ce jour, vous le verrez, vous deviendrez aux yeux du monde entier un joyau, une pierre précieuse que l'amour a rendu heureux.